Chapitre 15. Le prince, emporté par la véhémence de son indignation et de son courroux, s'était, tout en parlant, approché peu à peu de la marquise, toujours négligemment assise dans son fauteuil. Lorsque celle-ci eut rejeté son voile en rejetant légèrement sa tête en arrière, afin de pouvoir attacher ses yeux sur ceux du prince, il resta immobile et éprouva ce mélange de surprise, d'admiration et de trouble involontaire que presque tout le monde ressentait à la vue de cette charmante figure, à laquelle son teint pâle, ses grands yeux bleus d'azur, ses sourcils noirs et ses cheveux blonds donnaient un charme si singulier. Cette impression profonde que subissait le prince, Charles du Tertre l'avait aussi subie malgré son amour pour sa femme, malgré les terribles préoccupations de désastre et de ruine dont il était assiégé. Pendant quelques secondes, l'archiduc resta pour ainsi dire sous la fascination de ce regard fixe, pénétrant, dans lequel la marquise s'efforçait de concentrer toute l'attraction, toute l'électricité vitale qui était en elle, et de la darder dans les yeux du prince, car la projection du regard de Madeleine était pour ainsi dire intermittente et avait, si l'on peut s'exprimer ainsi, des pulsations. Aussi, à chacune de ces pulsations, dont il semblait ressentir physiquement le contre-coup, l'archiduc tressaillit-il involontairement. Sa morgue glaciale paraissait fondre comme la neige au soleil. Sa hautaine attitude s'assouplissait. Sa physionomie altière exprimait un trouble inexprimable. Soudain, Madeleine fit retomber son voile sur son visage, baissa la tête et tâcha de s'effacer davantage encore, s'il était possible, sous l'ampleur des plis de son mantelet et de sa robe traînante qui cachait complètement son petit pied, de même que ses larges manches cachèrent aussi la main charmante qu'elle avait cordialement tendue au prince. Celui-ci n'eut donc plus devant lui qu'une forme indécise et chastement voilée. La coquetterie la plus provocante, la plus audacieusement décolletée, eût été de l'ingénuité auprès de cette mystérieuse réserve qui, dérobant en regard jusqu'au bout du pied, jusqu'au bout des doigts, ne laissait absolument rien apercevoir de la personne, mais donnait le champ libre à l'imagination qui devait s'allumer au souvenir des récits étranges qui couraient sur la marquise. Lorsque le visage de Madeleine disparut de nouveau sous son voile, le prince, délivré de l'obsession qu'il subissait malgré lui, reprit son sang-froid, gourmanda rudement sa faiblesse, et afin de se sauvegarder de tout dangereux entraînement, il s'efforça de songer aux déplorables aventures qui prouvaient la fatale influence de cette femme sur des hommes longtemps inflexibles ou inexorables. Mais hélas, la chute ou la transformation de ces hommes ramenait forcément les idées du prince sur la marquise et sur son irrésistible influence. Il sentait le péril grave, imminent, mais on le sait, parfois le danger possède l'attraction de l'abîme. En vain le prince, pour se rassurer, se disait-il que d'un naturel flegmatique, il était arrivé jusqu'à la maturité de l'âge sans avoir subi l'empire de ces passions brusques et grossières qui dégradent l'homme. En vain encore, il se disait qu'il était prince de sang royal, qu'il devait à la souveraine dignité de son rang de ne pas s'abaisser à de honteux entraînements, etc. En un mot, le malheureux archiduc philosophait à merveille, mais aussi utilement qu'un homme qui, se voyant avec effroi rouler sur une pente rapide, philosopherait gravement sur les précieux avantages de la stabilité. Il faut malheureusement des lignes, des phrases, des pages, pour rendre perceptibles des impressions instantanées comme la pensée, car tout ce que nous venons de décrire si longuement, depuis le moment où Madeleine avait levé son voile jusqu'au moment où elle l'avait abaissé, s'était passé en quelques secondes et l'archiduc, tout en se gourmandant, tâchait à son insu sans doute, tant sa philosophie dégageait son esprit de la matière, tâchait, disons-nous, d'apercevoir encore les traits de Madeleine à travers la dentelle qui les cachait. « Je vous disais donc, monseigneur, » reprit la marquise en tenant toujours sa tête baissée, sous le regard avide et troublé de l'archiduc, « je vous disais donc que j'étais une pauvre veuve, qui vaut mieux que sa réputation et qui ne mérite vraiment pas vos sévérités. Madame. Oh, je ne vous en fais pas un reproche, monseigneur. Vous avez dû, comme tant d'autres, croire à certains bruits. Des bruits, madame ? S'écria l'archiduc en sentant avec joie renaître dans son âme sa première colère. Des bruits ? C'était un vain bruit, n'est-ce pas, que la scandaleuse apostasie du poète Moser Hartmann ? Ce que vous appelez son apostasie est un fait, monseigneur, soit, mais... C'est peut-être aussi un vain bruit, reprit impétueusement l'archiduc en interrompant Madeleine, que la dégradation du cardinal légat. C'est encore un fait, monseigneur, soit, mais... Ainsi, madame, vous avouez vous-même que... De grâce, monseigneur, écoutez-moi. Je m'appelle Madeleine. C'est le nom d'une grande pécheresse, comme vous savez. Il lui a été pardonné, madame. Oui, parce qu'elle avait beaucoup aimé. Cependant, croyez-moi, monseigneur, je n'ai pas à chercher une excuse ou un exemple dans la vie amoureuse de ma sainte patronne. Je n'ai rien à me faire pardonner, non rien, absolument rien, monseigneur. Cela paraît vous étonner beaucoup. Aussi, pour me faire tout à fait comprendre, ce qui est assez embarrassant, je serai obligé, au risque de passer pour pédante, d'en appeler au souvenir classique de votre Altesse. Que voulez-vous dire, madame ? Quelque chose de fort bizarre. Mais l'acrimonie de vos reproches, et d'autres raisons encore, m'obligent à un aveu, ou plutôt à une justification fort singulière. Madame, expliquez-vous. Vous savez, monseigneur, à quelles conditions on choisissait à Rome les prêtresses de Vesta. Certainement, madame, répondit le prince avec une rougeur pudique, et il ajouta ingénument, mais je ne vois pas quel rapport. Eh bien, monseigneur, reprit Madeleine, en souriant de ce germanisme, si nous étions à Rome, sous l'empire des Césars, j'aurais tous les droits possibles, imaginables, à entretenir le feu sacré sur l'autel de la chaste déesse. En un mot, je suis veuve, sans avoir jamais été mariée, monseigneur, car à mon retour d'Europe, le marquis de Miranda, mon parent et mon bienfaiteur, se mourait, et il m'a épousée à son lit de mort pour me laisser son nom et sa fortune. L'accent de la vérité était irrésistible. Aussi d'abord le prince crut aux paroles de Madeleine. Malgré la stupeur où le jetait cette révélation si complètement opposée au bruit d'aventure et de galanterie qui courait sur la marquise. L'étonnement du prince se mêla bientôt d'une satisfaction confuse dont il ne se rendait pas compte. Pourtant, craignant de donner dans un piège, il reprit, non plus avec emportement, mais avec une récrimination douloureuse. « C'est trop compté sur ma crédulité, madame. »« Quoi ? Lorsque tout à l'heure encore, vous m'avez avoué que... »« Pardon, monseigneur. »« Faites-moi le plaisir de répondre à quelques questions. »« Parlez, madame. »« Vous avez certes tous les vaillants dehors d'un homme de guerre, monseigneur, et lorsque je vous voyais à Vienne, monter sur votre beau cheval de bataille, traverser fièrement le Prater, suivi de vos aides de camp, je me disais souvent... « Voilà pour moi le type du général d'armée, de l'homme fait pour commander aux soldats. »« Vous m'avez vu à Vienne ?» demanda l'archiduc, dont la voix rude s'attendrissait singulièrement. « Vous m'avez remarqué. »« Heureusement, vous l'ignoriez, monseigneur. Sans cela, vous m'eussiez fait exiler, n'est-ce pas ?»« Mais, » répondit le prince en souriant, « je le crains. »« Allons, c'est de la galanterie. Je vous aime mieux ainsi. » « Je vous disais donc, monseigneur, que vous avez les dehors d'un vaillant homme de guerre, et vous répondez à ces dehors. Cependant, vous m'avouerez que parfois, la tournure la plus martiale peut cacher un poltron. À qui le dites-vous, madame ? J'ai sous mes ordres un général-major qui avait bien la figure la plus farouche qu'on puisse imaginer, et c'était un fief et poltron. Vous m'avouerez encore, monseigneur, que parfois aussi l'enveloppe la plus chétive peut receler un héros. Certes, le grand Frédéric, le prince Eugène, ne payaient pas de mine. Hélas, monseigneur, c'est cela même. Et moi, tout au contraire de ces grands hommes, malheureusement, je paye trop de mine. Que voulez-vous dire, madame ? Et mon Dieu, oui ! Je suis comme le poltron qui fait trembler tout le monde avec sa mine rébarbative et qui, à part soi, est plus tremblant que les plus tremblants de ceux qui l'intimident. En un mot, j'inspire souvent malgré moi ce que je ne ressens pas. Figurez-vous, monseigneur, un pauvre glaçon tout surpris de porter autour de lui la flamme et l'incendie. Aussi j'aurais parfois la prétention de me croire un phénomène. Si je ne me rappelais que les beaux fruits de mon pays, si vermeils, si délicats, si parfumés, m'inspiraient parfois de furieux appétits, sans partager le moins du monde le bel appétit qu'ils me donnaient, sans qu'ils éprouvassent enfin le plus léger désir d'être croqués. Il en est ainsi de moi, monseigneur. Il paraît qu'aussi innocent en cela que les fruits de mon pays, je donne, à certains égards, des fins d'ogre, moi, qui suis d'une frugalité cénobitique. Aussi ai-je pris le parti de ne plus m'étonner de l'influence que j'exerce involontairement. Mais comme, après tout, cette action est puissante, en cela qu'elle met en jeu une des plus violentes passions de l'homme, je tâche de tirer parfois le meilleur parti possible de mes victimes, soit pour elles-mêmes, soit pour autrui, et cela, je vous le jure, sans coquetterie, sans tromperie, sans promesse. « Je brûle pour vous, me dit-on. Soit brûlez. Peut-être l'ardeur de vos feux fera-t-elle fondre ma glace. Peut-être la lave se cachera-t-elle en moi sous la neige. Brûlez, brûlez donc. Faites ce que votre flamme me gagne. Je ne demande pas mieux, car je suis libre comme l'air et j'ai 22 ans. » Madeleine, en disant ces mots, redressa la tête, releva son voile et regarda fixement l'archiduc. La marquise disait vrai, car sa passion pour son blond archange, dont elle s'était entretenue avec Sophie Dutertre, n'avait eu jusqu'alors rien de terrestre. Le prince crut Madeleine. D'abord parce que presque toujours la vérité porte avec soi la conviction, puis parce qu'il se sentait heureux d'ajouter foi aux paroles de la jeune femme. Il rougissait moins de s'avouer l'impression subite, profonde, que cette singulière créature lui causait, en se disant qu'après tout elle eût été digne d'entretenir le feu sacré de Vesta. Aussi, l'imprudent, les yeux fixés sur les yeux de Madeleine, aspirait-il à loisir le philtre enchanteur en les contemplant avec une avidité passionnée. Madeleine reprit en souriant. « En ce moment, monseigneur, vous vous faites, j'en suis sûr, une question que je me fais souvent. » Voyons, vous vous demandez, pour parler comme une romance du vieux temps, qui est celui qui me fera partager sa flamme? Eh bien, moi aussi, je serais très curieuse de pénétrer l'avenir à ce sujet. Cet avenir pourtant dépend de vous. Non pas, monseigneur, pour qu'une lyre résonne. Il faut qu'on la fasse vibrer. Et cet heureux mortel, qui sera-t-il? Mon Dieu! « Qui sait, peut-être vous, monseigneur ?»« Moi ?» s'écria le prince ébloui, transporté. « Moi ? Je dis peut-être. »« Oh, que faudrait-il faire ?»« Me plaire. » »« Et pour cela ?»« Écoutez, monseigneur. » »« Je vous en prie, ne m'appelez pas monseigneur, c'est trop cérémonieux. »« Oh, oh, monseigneur, c'est une grande faveur pour un prince que d'être traité avec familiarité. » Il faut la mériter. Vous me demandez comment me plaire. Je veux vous citer non un exemple, mais un fait. Le poète Moser Hartmann, dont j'ai, ainsi que vous le dites, causé l'apostasie, m'a dressé la plus singulière déclaration du monde. Un jour, il me rencontre chez une amie commune, me regarde longtemps, et enfin me dit d'un air d'alarme et de courroux, « Madame, pour la tranquillité du spiritualisme, on devrait vous enterrer toute vive. » Et il sort. Mais le lendemain, il vient chez moi, fou d'amour, en proie, me dit-il, à une passion aussi subite, aussi nouvelle que brûlante. « Brûlez, lui dis-je, mais écoutez un conseil d'ami. La passion vous dévore, qu'elle coule dans vos vers. Devenez un grand poète, et peut-être votre gloire m'enivrera. » Et l'enivrement ne vous est pas venu ? Dit le prince. « Non, mais la gloire est restée à mon amoureux pour se consoler, et un poète se console de tout avec la gloire. Eh bien, monseigneur, franchement, ai-je bien ou mal usé de mon influence ? Soudain, l'archiduc tressaillit. Un soupçon poignant lui serra le cœur. Dissimulant cette pénible angoisse, il dit à Madeleine, en s'efforçant de sourire, « Mais, madame, votre aventure avec le cardinal légat n'a pas eu pour lui une fin si heureuse. Que lui est-il resté à lui pour se consoler ? Il lui est resté la conscience d'avoir délivré de sa présence un pays qu'il abhorrait, répondit gaiement Madeleine. « N'est-ce donc rien que cela, monseigneur ? Voyons, entre nous, madame, quel intérêt aviez-vous à rendre ce malheureux homme victime d'un si terrible scandale ? Comment ? Quel intérêt, monseigneur ? Mais celui de démasquer un infâme hypocrite, de le faire chasser d'une ville qui l'opprimait, de le couvrir enfin de mépris et de honte. Je crois à votre passion, lui ai-je dit. Et peut-être la partagerai-je si vous vous masquez en cavalier pandour pour venir avec moi au bal du Rialto, mon cher cardinal. C'est de ma part un caprice bizarre, insensé, soit. Mais c'est ma condition. Et d'ailleurs, qui vous reconnaîtra sous le masque ? Cet horrible prêtre avait la tête tournée. Il a accepté, je l'ai perdu. Et moi, vous ne me perdrez pas ainsi que le cardinal légat, madame, s'écria l'archiduc en se levant et faisant un effort suprême pour rompre le charme dont il sentait déjà l'irrésistible puissance. Je vois le piège. J'ai des ennemis, vous voulez, par vos séductions perfides, m'entraîner à quelques démarches dangereuses, et ensuite me livrer ainsi au mépris et aux risées que mériterait ma faiblesse. Mais Dieu soit béni, il m'ouvre les yeux à temps. Je le reconnais, avec horreur, cette fascination diabolique qui m'ôtait l'usage de ma raison. N'était pas même de l'amour, non, je cédais à la passion la plus grossière, la plus ignoble, qui puisse ravaler l'homme au niveau de la brute, à cette passion que pour ma honte et pour la vôtre, je veux nommer tout haut, « La luxure, madame !» Madeleine haussa les épaules, se mit à rire d'un air moqueur, se leva, alla droit au prince qui, dans son agitation, s'était reculé jusqu'à la cheminée, le prit délicatement par la main et le ramena s'asseoir auprès d'elle sans qu'il eût la force de s'opposer à cette douce violence. « Faites-moi la grâce de m'écouter, monseigneur, » dit Madeleine. « Je n'ai plus que quelques mots à vous dire et ensuite, de votre vie, vous ne reverrez la marquise de Miranda. »